Deux jours à la même occasion, le corps diplomatique en Corée a offert une corbeille de fleurs et une lettre de félicitations au maréchal Kim Jong-un. L'ambassadeur palestinien Ismail Ahmad Mohammad Hassan, doyen du corps diplomatique, les a remises le 6 courant à Lee Soo-yong, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée.